Dingi ci fekk aussi 60 pièces gomme ben bu nek 49 francs CFA gomme yi ñuy gomme crayon yi 149 francs CFA 60 pièces aussi ci biir dingi ci fekk 36 pièces ay rapporteur ben façon bi fa nek 36 pièces mo fa nek ben bu nek 35 francs CFA la dikké rapporteur yi 35 francs CFA gombi 49 francs CFA.